tu es l'homme, tu es le guide, tu es le vin. Je suis la coupe, je suis la femme, je ne suis rien. Dans cette vie, je te suivrai à chaque pas. Je t'aimerai jusqu'au jour où tu partiras. Jusqu'au jour où tu partiras.